Bien. Toujours les questions. Soyez tous alliés. Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit où vous êtes. Toujours les questions qui me sont posées, qui me sont adressées. Et aujourd'hui, l'une des questions que je vais pouvoir partager avec vous, mon avis, mon point de vue à moi. Est-ce que la religion peut nous donner le bonheur véritable? En d'autres termes, a-t-on besoin de la religion vraiment pour réussir dans notre vie? Bon, c'est une question fondamentale. Tout comme on pourrait demander, est-ce qu'on a besoin des marabouts? Est-ce qu'on a besoin des sorciers? Est-ce qu'on a besoin de tous ces vendeurs d'illusions, de tous ces mercenaires de l'occultisme pour pouvoir réussir dans sa vie? Comme je n'ai averti personne, je vous prie d'inviter ceux que vous pouvez. Hein, pour... Vous pouvez inviter peu de personnes qui sont autour de vous, peu de personnes que vous connaissez. Parce que c'est quand même fondamental de pouvoir trouver une réponse à cette question. Pourquoi? Parce que beaucoup de frères africains, et ça, c'est très, très courant en Afrique. Les gens pensent que c'est la religion qui est la clé du bonheur. Que c'est le marabout qui a la solution. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je fais rarement mes interventions sur ma page Facebook, parce que vous verrez plein de marabouts qui font leur publicité. C'est vraiment triste. En réalité, si vous êtes détenteur d'un pouvoir et que vous voulez donner le bonheur aux gens, avez-vous besoin de faire des publicités? Bref, ne dévions pas du sujet du jour. A-t-on besoin de la religion pour réellement réussir dans notre vie? C'est ça la question que je vais répondre. Ceci en fonction de ma propre expérience. Comme je vous l'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent, je viens répondre aux questions ici toujours en fonction de ma propre expérience. Parce que pour moi, je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Ou du moins, personnellement, et ce que je n'ai pas pu observer autour de moi. Merci beaucoup. Invité. Merci encore. Merci tous. Nous allons donc démarrer tout de suite pour que je puisse vous donner mon point de vue. Et ça n'engage que moi. D'accord? Et ceux qui ne sont pas d'accord, soyez-en libres de dire non. Mais moi, je vais vous amener dans mon monde du passé, ce que j'ai vécu avec ces histoires de religion. Bien. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite demander à la régie d'arrêter. A-t-on besoin de la religion pour réussir dans notre vie? La religion, nous le savons très bien. D'abord, soyez tous salués, bonjour à tous ceux qui sont ici. Veuillez me pardonner, je n'ai invité personne, mais je constate qu'il y a des gens qui sont branchés. Donc, Marie, bonjour. Anita, Princess Africa, bonjour. Jacques Scholl, bonjour. Tous ceux qui sont ici, Axel et tout cela, soyez tous salués. Vous aurez le temps de partager la vidéo auprès de ceux qui n'ont pas été avertis, puisqu'en fait, je ne fais plus de publicité. J'essaie de me concentrer sur mes livres et autres, tout ce que je fais passer comme enseignement. Celui-ci ne fera pas partie des enseignements que je vais écrire. Pourquoi? Parce que c'est un peu un résumé de plus de 25 vidéos, parce que j'ai vérifié avant de pouvoir venir vous parler de ça. J'ai près de 25 vidéos où je parle de la religion sous diverses formes, de la religion, de la spiritualité et ainsi de suite, de la religion traditionnelle. Bref, a-t-on besoin de la religion pour réussir dans sa vie? Cette question, généralement, elle est posée par des frères et sœurs qui ont tenté tout dans la vie et dont leur vie, parfois, est un peu hors, je cherche le mot en français, off track, en d'autres termes. Leur vie ne fonctionne plus selon les normes laissées par le Créateur. Parce que les normes laissées par le Créateur sont les suivantes. Créé à son image, vous êtes esprit. Avant tout, je le répète tous les jours, vous êtes esprit. Celui qui vous parle est esprit. Et c'est un esprit que vous appelez âme, fonctionnant dans ce corps. Donc, étant esprit, je suis Dieu incarné. Et de par ce fait, par cette prise de conscience d'abord, eh bien, ça va créer des transformations en moi. Et ces transformations, c'est quoi? C'est à partir de cette prise de conscience d'abord individuelle, qu'au niveau de tous mes corps subtils, au niveau de mon cœur, au niveau de mon esprit, au niveau de mes entités créées par moi-même, parce que ça, je veux mettre l'accent dessus. Pourquoi beaucoup de personnes, ça c'est le premier aspect, pourquoi beaucoup de personnes posent cette question que vraiment, maître, nous pensons qu'il faut la religion pour réussir dans la vie. Mais ce sont des personnes qui sont off track. En d'autres termes, c'est des personnes qui ont constaté que leur vie, en réalité, n'a pas de sens. Soit ils ont été victimes des empoisonnements mystico-spirituels, ce que j'appelle les empoisonnements mystico-spirituels, c'est quoi? Parfois, ce sont des malédictions ancestrales. Parfois, ils sont victimes des pièges, des toiles des mystiques. Ça peut être pas forcément les parents, ça peut être les mouvements associatifs, ça peut être les partis politiques. Les partis politiques que vous allez vous jeter n'importe comment, les églises où vous partez, les esprits ou les démons que les pasteurs délivrent des possédés, posez-vous la question, où vont ces esprits-là? Où vont tous ces démons? Où vont tous ces esprits du mirage du bas astral? Mais rassurez-vous que ces esprits gravitent autour de cette église, même si vous avez dépossédé un individu. Donc, la première raison fondamentale pourquoi la plupart des gens ont tendance à trop dépendre de la religion, d'où je vais répondre à cette question, a-t-on besoin de la religion réellement pour réussir dans sa vie? Je ne vais pas répondre de manière brutale pour vous dire oui ou non. Mais par les expériences que je vais vous exposer, vous aurez la réponse. Un, généralement, les gens qui posent ce genre de questions, parce que leur vie est devenue dysfonctionnelle. Ce dysfonctionnement résulte, quand on parle de dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'ils sont off track, on le dit en anglais. Off track veut dire quoi? C'est que votre vie ne marche plus sur les normes laissées par le Créateur. Les normes laissées par le Créateur, créées à l'image de Dieu, vous êtes esprit, vous êtes sa ressemblance, et par conséquent, on ne voit pas comment et pourquoi vous devez souffrir. Ça, c'est une logique scientifique mystico-spirituelle. Selon la loi de correspondance et selon la carte de roi, si vous voyez bien la carte de roi, on montre un roi, la tête est en haut et l'autre tête est en bas, mais les deux têtes se ressemblent. Cette carte de roi a été formée par les Juifs. Les Juifs, ils comprennent ce principe-là. Ils ont pris le principe à partir du livre de Genèse. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé. Donc l'homme est la ressemblance de Dieu. L'homme est le reflet de Dieu. Donc, sur cette logique-là, vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, oser dépendre de la religion. Ce n'est pas la religion qui va être la solution à vos problèmes. Pourquoi? Parce que la religion est une fabrication d'origine humaine. Alors que cette vérité scientifique que je vous donne, à l'image de Dieu, vous avez été créé, vous êtes la ressemblance de Dieu, ça, ce n'est pas une religion qui le dit. Certes, les écrits sacrés, c'est Monsieur Moussaou, ce qu'on appelle Moïse, qui a écrit cela? Et les paroles de Moïse ont été reprises dans le Coran et également dans le livre du bouddhisme et de l'hindouisme. On nous dit que l'homme est une partie intégrale. L'homme est une partie intégrale et une partie intégrée du tout. Et dans la Kabbale, vous verrez que quand vous partez de Keter, qui est la source de tout, c'est-à-dire la triade supérieure, et vous descendez jusqu'à Malkout, l'accomplissement matériel, donc la manifestation de cette énergie transformée, puisque la matière provient de l'énergie. Dans cette compréhension donc kabbalistique, On vous dira que, selon la loi de correspondance, la matière résulte de l'accumulation de l'énergie. Donc, par conséquent, ce que vous devenez ce que vous pensez, vous devenez ce que vous faites. Est-ce que c'est trop complexe ce que je dis? Je ne crois pas. Pourquoi? Ben, je vous ai dit qu'au départ, le premier point, c'est que l'homme, la plupart des gens qui veulent dépendre des religions, qui veulent dépendre des marabouts, c'est parce que leur vie est off-track. Off-track veut dire que c'est, leur vie ne répond plus aux normes originales. Mais pourquoi certaines personnes ne répondent plus aux normes? Je vais me répéter. C'est parce qu'au départ, leur âme soit a été manipulée, consciemment ou inconsciemment. Quand on dit consciemment, ça veut dire qu'il y a des gens qui voient, comme on le dit chez nous en Afrique, votre étoile. Mais cette étoile, c'est votre divinité. C'est l'esprit que Dieu a mis en vous. Tout un chacun a cette étoile qui brille. Il n'y a personne qui a une étoile qui est morte. Non. Mais selon la compréhension mystico-spirituelle, l'étoile, pour certains, cette étoile somnole. Pourquoi? Mais parce que les religions diront que c'est à cause du péché. Maintenant, pour nous, les initiés, on dira que, en fait, c'est à cause de l'ignorance. L'ignorance sous plusieurs formes. La première ignorance, c'est que les parents ne vous ont pas préparé. Les parents ne vous ont pas fait des rites ancestraux qui n'ont rien à voir avec la religion. Je le répète que la véritable, tradition, c'est la connaissance léguée de bouche à oreille selon le rite original. Le rite original, c'est l'homme fut créé à l'image de Dieu et l'homme est Dieu incarné en d'autres termes, reprendre les termes de la Bible pour ceux qui sont biblistes là. L'homme est la ressemblance de Dieu. Vous ne pouvez pas être une ressemblance de Dieu et puis aller encore dépendre de religion. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de religieux qui ont même écrit, qui ont même eux-mêmes fondé les religions qui se contredisent. Je prendrai le cas d'un monsieur qu'on appelle Paul. Paul est le fondateur du grand mouvement chrétien que nous connaissons aujourd'hui. Quand on parle du christianisme, quand on parle de Jésus ressuscité et toutes ces histoires-là, c'est Paul. Mais Paul lui-même répète que Dieu, l'affaire de Dieu est une affaire personnelle. Le salut est individuel. Il le dit, le salut ou bien le véritable bonheur ou bien pour vivre heureux, c'est une affaire individuelle et personnelle entre vous et celui que vous appelez Dieu. Pourquoi il le dit? Il ne se contredit pas. Il dit encore quelque part dans le livre des Corinthiens que pourquoi aller chercher Dieu dans des temples qui sont faits de mains d'hommes? En réalité, Dieu n'habite pas dans les temples qui sont faits de mains d'hommes. En d'autres termes, ce n'est pas dans la mosquée que vous trouverez Dieu, ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas, je ne sais pas trop où. Écoutez, que mon langage ne choque pas nos amis qui sont religieux, mais c'est des vérités. C'est ça que les fondateurs des mouvements religieux que vous suivez aujourd'hui déclarent eux-mêmes. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui le dit. Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Vous ne pouvez pas trouver Dieu ailleurs. Mais par contre, vous pouvez trouver Dieu où? Le Jésus que suivent les chrétiens dira, « Père, je te prie de veiller sur cela pour que eux deviennent un avec toi. » Non pas à se faire voir ou à prier en criant comme des fous. Que veut-il dire? Une fois de plus, il parle d'une relation de père et fils, d'une relation d'un fils et son père, donc relation individuelle. L'apôtre Paul, revenons sur ses propos, Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Par contre, vous, toi qui me regardes, tu es le véritable temple de Dieu parce que le temple de Dieu est en toi. Et par conséquent, c'est à partir de toi que tu dois retrouver le véritable bonheur. C'est à l'intérieur de vous-même que vous devez trouver le véritable bonheur. Ce n'est pas la religion. Je vous ai expliqué, je vous ai dit que cet enseignement est une compilation de près de 20 et quelques vidéos que j'ai sorties sur cette affaire de religion-là. La religion vient du mot religare en latin qui veut dire moyen de chercher à se relier à Dieu. Allez-y me voir deux vidéos avant celle-ci où j'explique la différence entre la religion et la spiritualité. Donc, ce n'est qu'un condensé en fait des deux. La religion vous aide à vous connecter à Dieu. Mais qui vous aide? Mais c'est un humain comme vous et moi qui un bon matin, tout comme moi avec les connaissances que j'ai, je peux décider de créer une religion appelée Gabon debout. Ou bien peuple noir debout. Ou bien le Christ révélé au Gabon. Puisqu'il y a des gens, les Américains ont créé une église évangélique qu'on appelait Christ révélé aux nations. Et cette église a un succès fou. Au Nigeria, le siège se trouve juste derrière moi, là où j'habite. Ici à Ohio, le siège est là. Et le gars qui est là-dedans, c'est un Nigérien. Christ révélé aux nations. OK? So, quand nous voyons cela, la religion, c'est la création de l'homme. Mais quand il crée cela, mais il crée la religion à partir des failles psychologiques de l'homme. C'est-à-dire que ceux qui ont créé ces religions, ceux qui créent les religions, ce sont des mecs qui connaissent la psychologie humaine, ils connaissent la déontologie, ils connaissent ce qu'on appelle la sociologie, ils connaissent tout cela. Voyez-vous? Donc ils savent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes se sont déconnectés de leur divinité. Se connecter à la divinité veut dire ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Quand vous perdez la confiance en vous, vous extériorisez cette confiance, vous cherchez quelque chose que vous appelez Dieu, vous cherchez donc quelque chose qu'on appelle la religion pour mieux avoir confiance. Vous allez pleurer sur les épaules de quelqu'un, donc vous voulez dépendre de quelqu'un. Tout comme on a vu dans des foyers, les femmes qui ne peuvent pas fonctionner sans l'homme, ou l'homme qui ne peut pas fonctionner sans la femme. Donc vous êtes devenu dépendant. Vous greffez tout, vous greffez votre existentialité sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est là où il y a le danger, puisque vous êtes créé à l'image de Dieu. Esprit, vous êtes. Ressemblance de Dieu, vous l'êtes. Maintenant, vous allez chercher quoi? Mais il y a des gens plus malins qui ont trouvé que c'est un business qui marche très bien, donc ils créent la religion. Dans la religion, donc, on voit les faiblesses de l'homme. L'homme, comme je disais, off track, c'est-à-dire que ne marche plus selon les normes de Dieu, ben quelqu'un va profiter donc de cela. Mon frère, il te faut Jésus dans ta vie pour que tu puisses avoir le bonheur. Vérification faite, la plupart des grands des pays où il y a tout ce bruit autour de Jésus, la pauvreté frappe en plein fouet. Les pasteurs interprètent mal les écrits et vont jusqu'à ne pas travailler. Alors que le même l'apôtre Paul dit, il faut travailler. Donc, pour me résumer sur cet aspect, je ne vais pas être trop long et m'élargir dessus, je vais donner un autre exemple, c'est les religions musulmanes. Et dans l'islam, vous voyez, il y a des extrémismes. Il y a l'extrémisme qui bat son plein, les talibans là-bas, les mujahidines, qui d'autre, Al-Qaïda, ISIS, tout ce bruit autour d'une religion qui au départ était une religion basée sur l'amour, selon le fondateur. Mais quel amour? Lui-même, il a montré le mauvais exemple, puisque pour convertir les gens, il a utilisé l'épée. Ah oui, M. Mahomet a utilisé l'épée. Donc, la brutalité est à l'origine, même s'il y a une conversion massive des gens qui rentrent là-dedans. Et je vous ai déjà expliqué le phénomène grégorique. Ça dépend de la manière avec laquelle le philosophe ou le fondateur de cette religion a mis l'accent. Si le fondateur a mis l'accent sur la prospérité, ben vous verrez que cette religion va prospérer. Et les gens seront frappés par cela. Donc toute la ritualité va être autour de l'argent. A-t-on besoin de la religion pour évoluer? Vous avez la réponse. Non. Pourquoi? Mais parce que la religion n'a rien à voir avec Dieu. La religion est une affaire de l'homme. La religion a été créée par l'homme. Voilà pourquoi ce n'est pas elle qui est nécessairement la clé de votre réussite dans la vie. Et aujourd'hui, pour conclure que l'homme que nous sommes, si aujourd'hui les religions ont un succès, c'est de notre faute. Pourquoi? Parce que nous nous sommes trop extériorisés. Parce que nous avons enlevé la confiance. Parce que nous vivons dans l'ignorance. Or, si nous avions la connaissance véritable, cette connaissance qui consiste à comprendre ceci et à connaître que, et à savoir que, nous sommes la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu, nous avons été créés. Si nous comprenons ces principes, que à l'image de Dieu, nous avons été créés, que nous sommes la ressemblance de Dieu, nous sommes Dieu exprimé, nous exprimons même l'existentialité divine, que, en réalité, comme le dit le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, ben pourquoi la prière, l'auteur de cette prière, malheureusement une prière qui a été reprise dans les écrits de l'Égypte antique, et qu'on retrouve même dans certains documents éthiopiens, dans certains documents même du Tibet, ben cette parole, même les bouddhistes l'interprètent à leur manière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en d'autres termes. Je suis ce que tu es. Or, si tu es parfait, je suis parfait. Si tu es éternel, je suis éternel. Si tu es prospérité, je suis prospérité. Pardonnez-moi de parler ainsi, mais en d'autres termes, Reprenez la carte, ceux qui jouent les cartes là. Regardez bien la carte de roi. La tête du roi en bas et en haut et en bas se regardent. C'est le même personnage, c'est le même roi qui est la tête en haut et la tête en bas. Cette image, les Juifs ont fait exprès pour vous donner un enseignement, pour vous dire que vous n'avez pas besoin de religion. Voilà pourquoi dans le judaïsme, c'est très secret. Ils mettent beaucoup plus l'accent sur le secret, sur le mysticisme. Ils vont vous donner des révélations, des enseignements sur Moïse ou quoi que quoi, mais ils ont beaucoup plus de secrets pour le savoir. Ceux qui vivent avec moi aux États-Unis, allez-y dans l'État de New York, la ville de New York. Il y a un quartier populaire à New York qu'on appelle Brooklyn. Brooklyn, c'est près de 2 ou 3 millions d'habitants. La majorité, c'est des Juifs. Mais ces Juifs-là vivent dans des cercles fermés. Ils ont leurs propres écoles. Ils ont leurs propres magasins. Ils ont leurs propres universités. Ils ont leurs propres... Tout se passe qu'entre eux. Est-ce que c'est la religion? J'ai dit non. C'est leur tradition. Voilà le point. Les Chinois sont devenus aussi puissants, puissance mondiale. Aujourd'hui même, les Américains sont inquiets. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion qui a fait en sorte que la Chine se retrouve avec l'une des armées les plus puissantes. Ce n'est pas la religion qui a fait en sorte que la Chine se retrouve économiquement très puissante. Ce n'est pas la religion qui a fait en sorte que la Chine aujourd'hui fait trembler les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique doivent la Chine 25 milliards, 25 millions de milliards, 25 trillion dollars. Je ne sais même pas comment dire ça en CFA, c'est compliqué. Donc, ils ont des trillions de dollars. Les Américains ont des trillions de dollars qu'ils doivent aux Chinois. Pourquoi? Tout s'est fabriqué en Chine. Voilà la preuve. Ça là, c'est fabriqué en Chine. Les téléphones Samsung et toutes ces conneries, c'est la Chine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les iPhones, tout est monté à Taipei, Taïwan, en Chine. Les habits que vous portez, les cuillères que vous avez, tout cela, même les véhicules sont montés en Chine. Ce n'est pas la religion. Mais aujourd'hui, les Chinois sont très assis. Je vous ai dit la dernière fois, la religion chrétienne en Chine, c'est seulement au niveau de la capitale Pékin. Enfin, l'ancienne capitale, puisque c'est maintenant Beijing. On trouve 0,03% des chrétiens. À peu près 3 ou 4 millions seulement. Sur combien de milliards d'habitants, s'il vous plaît? D'accord? La Chine est à 1 milliard 695 millions d'habitants. Donc, 0,003. Et ceux-là, on les tolère seulement au niveau de la capitale. Pourquoi? Parce que au niveau de Pékin, là, il y a... Pékin devient la capitale politique, même économique, ou je ne sais pas, non. Beijing devient la capitale politique. Parce que là sont implantés les organismes internationaux, là, l'ONU, ceci, cela. Donc les Chinois, pour faire semblant de leur dire, bon, écoutez, on respecte quand même la démocratie, ils ont accepté ces religions. Mais à l'intérieur de la Chine, il n'existe aucune religion chrétienne. Il n'existe pas de musulmans, quoi que ce soit. Faites vos recherches. Parce que les Chinois ont compris que ce n'est pas la religion qui amène le véritable bonheur ou qui vous permet de réussir dans votre vie. Ce qui vous permet de réussir dans votre vie, c'est votre tradition à vous. La tradition, c'est quoi? Les Chinois ont compris que l'homme est avant tout un dieu. L'homme est avant tout un créateur. Oui, à l'image de Dieu. Ils connaissent cela, ce que je vous dis là. Étudiez le Feng Shui, étudiez le Tao, étudiez le bouddhisme chinois qui est similaire au bouddhisme indien, étudiez ce qu'on appelle le shintoïsme chez les Japonais. Il tourne autour de cette philosophie. Les épopées et les histoires, où il y avait un roi, il y avait un prince. Ce sont des mythes qui ont été créés par des hommes sages chinois, parmi lesquels Feng Shui, Lao Shui. Ils sont nombreux, mais cela c'est ce que je lis. Et celui qui a créé l'école du taoïsme, le tao veut dire l'harmonisation du un avec le tout. Et quand on parle dans la philosophie tao, du tao, que je pratique, je sais de quoi je parle. Dans le Tao, on ne pourra pas vous dire autre chose. Chez les hindous, ils appellent ça l'harmonisation avec le prana. L'objectif pour l'homme que nous sommes en tant que singleton, son objectif singleton à son départ d'ignorant, il doit devenir finalement l'univers. Il doit faire tout pour fondre dans cette fusion cosmique d'abord individuel, il cherche à devenir un avec le tout. D'où la magie des nombres, le fameux nombre que je vous ai donné, le nombre 10. C'est le nombre le plus parfait. Dans cette compréhension donc, toute simple, la religion est une distraction. La religion n'a rien à voir à l'origine avec Dieu. Dieu ne connaît pas la religion. Bref, il ne connaît peut-être pas, enfin, je ne voulais pas dire connaître, mais il n'a rien à foutre avec. Il connaît, de par le fait, la création de l'homme. Mais, dans une compréhension du troisième degré, mystique de la véritable connaissance transcendantale, en amont, pour nous autres, Dieu n'existe plus. Et je l'ai toujours dit, ça ne me gêne point. Je n'ai pas dit Dieu n'existe pas. Je dis Dieu n'existe plus. Celui qui va à la découverte de soi. Et quand vous êtes découvert à travers ces vérités simples, simple et simple, vous prenez votre Bible, vous prenez votre Coran, vous prenez votre Rindabeshta, vous prenez n'importe quel livre saint, et même quand vous allez manger le bois sacré, l'Iboga va vous montrer cette vérité. Le fait que vous dématérialisez, vous sortez de ce corps matériel, cela indique véritablement que vous êtes esprit d'essence. Mais puisque vous êtes esprit d'essence, qu'est-ce que vous avez à vous soumettre à celui que vous appelez Dieu, à faire des prières, aller voir un marabout pour vous donner des esprits? Vous-même, vous êtes esprit. N'est-ce pas logique? Donc, dans cette logique, puisque vous êtes esprit, vous n'avez plus besoin de religion. La religion n'a plus sa place pour votre, l'élévation de votre bonheur ou pour atteindre vos désirs les plus profonds. Et surtout de nos jours, la religion, ça devient un business, une distraction. Encore au début de la création de la religion, au début, je dirais peut-être, parce que c'était très sérieux. Il y avait toute une ritualie, parce que l'homme, comme je disais, la religion avait tellement prêché cette affaire que non, l'homme a péché. Donc à cause du péché, l'homme était déconnecté complètement de son créateur. Donc il fallait faire quelque chose pour que l'homme enfin retrouvât sa dignité d'enfant de Dieu, sa dignité de fils unique de Dieu. Mais pour retrouver cette dignité de fils unique de Dieu, c'est la prise de conscience. Cette prise de conscience, vous vous asseyez, vous posez des questions. Pourquoi je rêve? Pourquoi la nuit, je vois que je vole? Pourquoi la nuit, je vois que je suis en train de courir alors que mon corps est là, sur le lit? Pourquoi quand je vais manger le bois sacré, j'ai rencontré mes ancêtres? Je suis allé jusqu'en Égypte. Pourquoi? Mais cela montre à juste titre que vous êtes esprit. Retenez à partir d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas Maranga. Vous n'êtes pas Moussa Aboua. Vous n'êtes pas Bongo. Vous n'êtes pas Onouvier que vous voyez. Mais vous êtes esprit. Maganga, c'est simplement le nom d'un ancêtre à vous qu'on vous a donné. Mais vous êtes un esprit incarné. Vous êtes esprit. Et dès lors que vous êtes esprit, pour retrouver votre véritable bonheur, rentrez en communion dans cette prise de conscience d'abord. Rentrez d'abord en vous. Prenez conscience. Voilà. Prenez conscience de votre existence en tant qu'esprit. Ainsi, le reste vous sera révélé. Hier, dans mes forums, j'ai donné un exercice. Apprenez à écouter le silence. Et quand vous allez réussir à faire cet exercice d'écouter le silence, ainsi, vous verrez, vous allez découvrir que finalement, vous n'avez pas besoin de religion. Parce que la véritable religion, c'est vous. Comme l'a dit Paul, hein, que le véritable temple de Dieu, en réalité, n'est nulle part. Ce n'est pas un temple qui est fait des mains d'hommes. Mais c'est le temple qui est en vous. En vous. Donc la rencontre entre l'inconnu et vous, c'est vous. Et dès que vous serez prêt, vous le verrez. Mais celui que vous verrez, en fait, c'est votre divinité. Vous verrez qui? Lorsque vous allez manger le bois sacré. Lorsque vous allez consommer la liane amère de l'Amérique du Sud. Lorsque vous allez utiliser la liane amère également du Brésil, accompagné d'une dose de chanvre, votre esprit, vous verrez qui vous êtes. Ainsi, vous allez voir votre corps physique abandonné. Vous allez voir les êtres de l'au-delà. Vous allez voir vos ancêtres, vos oncles, vos tantes, vos mères, vos grands-pères, tous ceux qui vous ont précédé dans l'autre monde. Vous les verrez vis-à-vis. Et il y a certains qui ont même vu le prophète Mahomet. Ils ont vu le fameux Bouddha. Certains ont vu le fameux Jésus. Maintenant, quand on voit, cela dépend maintenant du degré de connaissance que vous avez. Est-ce que Jésus, là qu'on parle, c'est le vrai Jésus? Eh bien maintenant, quand vous allez rentrer dans les véritables arcanes secrètes, vous découvrirez que non. Puisqu'il a été fabriqué par les Romains, la loi de correspondance veut que celui que vous vénérez tous les jours, que vous avez créé vous-même, à partir d'un monsieur qu'on appelle Ptolémée Sauter, existe bel et bien dans le monde des reflets. C'est-à-dire, c'est une énergie, c'est un égrégore. Cet égrégore est une entité réelle. Donc, dès lors que vous vous dématérialisez, vous devenez une âme immortelle, vous pouvez être vénéré par les humains. Ainsi, de par la somme des vénérations et des énergies qui se dégagent de ces individus, puisque vous allez être désormais omniscient et omniprésent, vous devenez alors une forme d'égrégore. Bien qu'en réalité, vous êtes un esprit original. C'est ainsi que, au fur et à mesure que vous avancez, lorsque vous allez atteindre l'immortalité, l'immortalité veut dire que vous allez devenir comme l'un des dieux que vous voyez briller dans le firmament. Ce que vous voyez briller dans le firmament, ce sont les étoiles que vous voyez. Vous pensez que ce sont des étoiles, vous pensez que ce sont des planètes, mais ce sont des êtres très avancés. Ce sont des êtres qui ont atteint l'immortalité à travers plusieurs incarnations incubatoires ou des incubations incarnatoires. Au fil des années, ça peut prendre des centaines d'années ou des milliers d'années. Et vous atteignez donc ce sommet qu'on appelle le sommet du rayon. Vous devenez, vous faites maintenant partie de ce qu'on appelle le rayon solaire. Vous faites maintenant partie de ce mouvement-là qui contribue à l'existentialité humaine, qui contribue à transmettre l'amour, à transmettre la justice, la puissance, la protection, contribue à la sécurité de la Terre. Oui, la planète Terre est bel et bien gardée par des entités, mais ces entités, ce sont au départ certains qui étaient comme vous et moi, mais qui ont atteint un niveau élevé de spiritualisation. Parlant de spiritualisation, je vous ai dit, nous sommes esprits. Retenez cela. Et je vais conclure par cela. Esprit, nous le sommes. Mais nous pouvons être manipulés par les autres. Et la religion est un manipulateur. Nous pouvons être manipulés par des charlatans et des marabouts. Le marabout est un manipulateur. Parce qu'il joue avec vos émotions. Il joue avec votre... Il est capable de lire votre aura. Moi, quand je fais mes consultations, mais je lis les auras des gens. Mais si je découvre que votre aura est imbibée de négativité et que votre aura n'exprime aucune confiance, je vois en vous une aura qui est morte et non une aura qui est vivifiante, mais plutôt vivante. Que voulez-vous que je fasse? Mais c'est ce que font certains marabouts, certains charlatans. Et vous êtes étonné, dit, oh, yo, il a vu clair. Mais c'est normal. Vous vous êtes dévoilé auprès de lui. Pourquoi? À cause de votre propre comportement. Vous vous êtes comporté en off-track. Vous vous êtes comporté comme quelqu'un qui renie l'existence même de la divinité en vous. Donc, le fait que vous êtes renié, ça c'est le premier aspect, vous êtes une porte d'entrée de toute pratique, de tout sorcier, de n'importe qui. Ils peuvent rentrer en vous parce que votre corps est devenu une coquille vide. Mais quand on dit une coquille vide, ça ne veut pas dire que votre esprit est sorti. Mais non, mais votre esprit est en train de dormir. Voyez-vous? Deuxième aspect. Ça dépend, comme quelqu'un m'avait posé la question quand je lui ai dit « Je suis à ma troisième incarnation consciente. » Mais ça veut dire que vous étiez déjà quelqu'un qui était initié. Il y a peut-être de cela 200 ans. Vous avez l'impression que vous répétez la même chose que vous avez répété il y a de cela 100, 150 ans. Sauf si vous êtes ce genre-là. À ce moment, la religion n'aura plus d'impact pour vous. Voilà pourquoi pour moi c'était facile, il y a de cela près de 33 ans, de quitter les témoins de Jéhovah, de quitter les autres religions, parce que pour moi c'était trop facile. Mais beaucoup d'entre vous, c'est compliqué. Vous avez peur. Oh mais mon Dieu, oh mais Jésus est puissant, non? Mais on voit les miracles, non? Donc vous êtes engrainé là-dedans. Pourquoi? Parce que votre âme a signé un contrat. Comment vous avez signé le contrat avec ces religions? Le baptême qu'on vous fait faire, les livres qu'on vous fait lire, les dogmes que le pasteur vient vous prêcher, les prises de judo qu'on vient vous faire. Donc, j'ai posé une question. Les esprits que le pasteur dépossède de vous. Où vont ces esprits? Les esprits que le marabout, soi-disant, vous dépossède. Et là, je vais m'attaquer à mes frères du Bouti. Dans le Bouti Misoko, je sais de quoi je parle. J'ai des amis, j'ai des frères qui sont là-dedans en plein. Moi, j'ai choisi le Dizumba. Mais nous ne sommes pas divisés. Nous sommes un et unique à la même source. Bouété, c'est le Bouété. Maintenant, le Bouiti, c'est la diversification de différents. Ça dépendra du frère Mitsoro qui a ajouté quelque chose, du frère Bapinji. Mais tout vient de nos frères pygmées, n'est-ce pas? Maintenant, dans le cas de Misoko, le frère dans son Bouiti Misoko va faire des veillées. Il dit il va vous couper la corde. Il va déterrer les fétiches qui sont devant votre maison. La question est la suivante. Où vont ces esprits qu'il coupe? Allez-y me poser cette question à ses frères. Je connais la réponse, mais allez leur poser la question. Les cordes qu'eux, ils coupent, c'est quoi en réalité? Mais la corde qu'on coupe, c'est une énergie vivante. Parce qu'il y a des parents dans votre famille, surtout pour le cas des jeunes femmes, qui vous ont empêché par un phénomène de malédiction collective ancestrale. Cette somme, donc, cette énergie dégagée par un certain Bumba, qui était un grand-père qui a vécu il y a de cela 84 ans, mais comme il y a eu un problème dans la famille, il a éjecté cette malédiction. Awana mbe janowe, nimbamba, nimbamba simbamba, mpage no maebe songa, miembumba ke kamba nyeko no, ibambo nye kamba nyeko nongonde. Anyere mana norebele kotiza miene, be jena, nese le denge randa randa, nese le denge me no sa kende kende, nese le denge me amenje no randa randa. Le mec il parle avec la colère, il a éjecté. Et quand il parle, les gens qui étaient là ont reçu le pouvoir de ces paroles-là. Personne n'a pu dire niet. Personne n'a rejeté. Phénomène d'hypnose conscient. Donc, sous ce phénomène d'hypnose conscient, à travers les paroles malédictives, voilà comment les descendants, notamment les jeunes filles, viennent là. Elles ont des problèmes d'avoir les enfants. Mais c'est comme, oh non, c'est la corde. Donc, Lunganga Misoko, le frère qui est Bouiti Misoko, il voit une corde. La maman qui est dans l'Unjembe, elle voit une corde. Il faut couper cette corde. Mais la question, quand vous coupez la corde, est-ce que vous avez tué l'esprit? Quand vous partez déterrer les fétiches devant la maison de M. Mabako, là-bas à Mekambo, vous avez fait l'éveiller, yo ya boutique moupalo, ya yo ya yo. Vous avez fait tout ce que vous avez fait. Maintenant, vous avez déterré tout. Vous avez enlevé tout ce qu'il y avait. Vous avez enlevé les fusils nocturnes. Mais où est-ce que vous les allez les enterrer? Où est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire de ces histoires-là? Parce que les fétiches que vous avez vus, les crânes d'animaux, les dents de crocodile, ce ne sont que des supports de poison, mais qui sont soutenus par des entités démoniques. Mais ces entités-là, est-ce que vous les avez détruits, mes frères? Alors, ça, c'est la même chose chez le musulman. Il va vous dire, Alhamdulillah, mon frère, Bismillahi, Allah est grand. Il va vous donner le bonheur. Moi, je vous dis vraiment, Bismillahi. Oh! Les djinns là, il est en train de me dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il utilise ces djinns, c'est-à-dire, il utilise ces esprits qui sont soit des bons esprits démoniaques ou des bons esprits angéliques. Il les utilise en vue de venir chasser l'esprit qui vous bloquait. Ils ne le détruisent pas, mais ils le chassent. Mais quand ils chassent ces esprits vont où? Ils vont dans un milieu qu'on appelle le corps éthérique de la planète Terre. Le corps éthérique est devenu une véritable poubelle, une véritable décharge publique, mais mystique. Vous ne le réalisez pas. J'ai été dans certains pays d'Afrique. Lorsque l'avion survole la capitale, mais mon Dieu, il y a du brouillard. Oh mon Dieu, oh, je vois des nuages sombres, lugubres, bizarres. Mais pourquoi? C'est à l'image du corps éthérique de ce pays-là. Par contre, lorsque j'ai atterri dans certains pays d'Europe, mais c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Je fais allusion à la Hollande, je fais allusion à la Suisse. C'est pas parce qu'il y a l'argent, mais c'est parce que ces mecs qui vivent dans ces villes ne sont pas là à cogiter le mal, ou bien il n'y a pas tellement des entités. Je n'ai pas dit qu'ils ne croient pas à la sorcellerie. Il y a la sorcellerie, certes, mais eux ne concentrent pas trop le mal pour mettre des cordes, pour empêcher notre fille ou à notre arrière-fille de ne pas faire des enfants, ou bien pour empêcher le bonheur de quelqu'un. Donc, je pose cette question, pourquoi? Pour vous dire, la religion moderne, la religion traditionnelle, donc sous couvert de nos pratiques, sous couvert de Bouete, de Djembe, sous couvert de quoi? Chez les musulmans, chez les frères chrétiens, tous ces esprits que vous détachez des mecs, rassurez-vous que vous les détruisez totalement et vous les brûlez. Mais est-ce que vous pouvez le faire? La plupart, malheureusement, vous ne le faites pas parce que quand moi, je sors en vampire, donc lorsque je me dédouble, mais je rencontre ces entités dans les, qu'on appelle les miens du Bezasra. Ils sont là. Et ce sont ces entités parfois qui bloquent, quand je vous avais dit, le danger de ne pas appartenir à ces religions-là. Parce que quand vous allez mourir, non seulement les égrégores de ces religions, mais les miasmes du bas astral, qui ont été dégagés par le pasteur qui a prié sur vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit sort, esprit sort. Même votre fameux Jésus, lorsqu'il a chassé des esprits qu'il a envoyés quelque part, on nous dit quoi? Les esprits sont rentrés dans quoi? Dans le corps des porceaux, n'est-ce pas? Lui encore, ce Jésus chrétien, était intelligent. Voilà pourquoi la tradition chrétienne originale orthodoxe et dans nos traditions originales, on ne mange pas le porc. C'est à cause de cela. Ce n'est pas à cause de Jésus, mais l'histoire de Jésus nous le révèle que les gens qu'il a, le mec qu'il a dépossédé, il avait toute une légion. Et il n'avait pas d'autre solution que d'envoyer ces légions, c'est-à-dire un ensemble de démons très puissants qui avaient trouvé refuge dans le corps de ce mec-là qui était fou, je ne sais pas trop. Et ainsi, Jésus regarde autour, déjà ses disciples étaient incapables. C'est là où Jésus leur a dit, laissez, allez-y vous les côtés, vous êtes des pauvres, paresseux, vous aimez seulement faire la grande tchatche. Jésus se concentra, selon l'évangile de saint Thomas et de son petit frère Jacques. On nous dit qu'en se concentrant finalement, il a prononcé des paroles et à l'issue de ça, en un mot, il a fait ce qu'on appelle de l'exorcisme. Et après avoir fait sa technique d'exorcisme, finalement, il a chassé tous les esprits de ce mec-là, rentré dans les corps des porceaux. Les porceaux, ce sont les enfants des porcs, si vous voulez. Alors, maintenant les porceaux sont possédés. C'est maintenant les pauvres porceaux qui vont avoir ces esprits pour le reste de leur vie. Mais il n'a pas fait comme certains pasteurs font. Chasser, maintenant, vous ne savez même pas là où chasser ces esprits. Oui, alléluia, tu es guéri, mon frère, ma soeur. J'ai chassé les démons. Mais tu les as chassés, ils sont où? C'est la question. Où est-ce que tu les as envoyés? C'est bien beau de brûler les toges des francs-maçons. Moi, j'ai vu des chrétiens. Frère, tu es devenu chrétien, il faut qu'on brûle ta toge. Mais quand vous brûlez la toge, est-ce que vous croyez que c'est l'esprit que vous brûlez? Vous ne savez pas que les esprits qu'on appelle les salamandres sont les entités du feu. Vous ne savez pas qu'un esprit peut traverser le feu. D'ailleurs, on ne brûle pas un esprit. Ça vient détruire du coup votre enseignement selon de l'enfer, là. Comment vous allez détruire? Sauf si c'est Dieu lui-même qui détruit l'âme, comme il est prévu après le règne millénaire, là, le fameux règne qui va avoir lieu après la grande hécatombe qui va apparaître bientôt. Voyez-vous donc, pour conclure, ce n'est pas la religion qui est là pour vous donner votre véritable bonheur. Il n'y a que Dieu et vous. Ok? Le salut est personnel. La relation avec Dieu, c'est personnel. Nul n'a le droit de venir vous juger. Je vous ai donné l'exemple. Les Chinois réussissent sans besoin d'avoir d'une religion. Regardez les Américains. Ils ont compris, maintenant ils commencent à abandonner. Et mon grand constat, c'est que c'est maintenant plus les Africains qui viennent ouvrir des églises en Amérique. Vous quittez l'Afrique, c'est pour venir ouvrir des églises en Amérique. Mais franchement, vous pensez que les Américains vont vous écouter? Et moi, je vois des gens qui viennent me supplier. Eh bien, papa, comme ils connaissent il me dit, oh, toi, tu travailles où? Oh, mais j'ai appris que tu travailles là-bas au ministère de la Santé. Je dis, oui, quel est votre problème? Qui vous a donné les renseignements? Et il voit la belle voiture, il est déjà influencé, il fait les calculs. Ah, mais comme le type là, il a des millions, je crois qu'il peut m'amener chaque fin du mois au moins 200 $, donc l'équivalent au moins de 100 000 ou 150 000 francs pour me donner comme dîme. Et comme ça, il pourra m'amener. Voilà comment les gens font des calculs. Vous quittez l'Afrique, c'est pour penser venir prêcher aux Américains. Tout Africain qui vous dira qu'il a une église en Amérique, c'est aucun Américain y va. Ce sont des Africains qui sont justement off track, c'est-à-dire qui sont déroutés. Quand on est dérouté, veut dire qu'on n'a aucune racine. On n'est plus enraciné, ou bien on n'est pas enraciné. On n'est pas connecté avec notre cordon ombilical. On ne connaît pas notre histoire. Je ne vous en veux pas. Mes frères qui sont au Guadeloupe, à Réunion, vraiment, je vous pardonne. Voilà pourquoi, pour conclure, il est grand temps pour vous de pouvoir vous connecter avec votre cordon ombilical. Mais comment le faire, vous me direz? Je vous ai proposé trois choses. Premièrement, Le rite, je voulais dire l'initiation douce. Cette initiation douce, c'est celle-là, à travers des vérités telles que celle-ci. Esprit, vous êtes esprit. Prenez conscience de cela. Quand vous prenez conscience que vous êtes esprit, et vous réfléchissez que quand on meurt, pourquoi on voit encore l'esprit de la personne? Quand vous dormez, pourquoi vous rêvez? Ça prouve par là que vous êtes une divinité. Mais puisque vous êtes une divinité, ça montre que ça, c'est une partie de Dieu qui est en vous. Et ça rejoint les enseignements des Mazdéens et les enseignements de l'Himalaya, de nos frères du Tibet, qui disent que Dieu, c'est la somme de toutes les particules divines dispersées ça et là sur la terre. En d'autres termes, Dieu, c'est simplement la somme de toutes les âmes qui sont dispersées sur toute la planète. Tout cela constitue Dieu. En réalité, on ne peut pas le chercher, parce que nous sommes un avec lui. Le nombre 10, je vous ai dit, 10 ne s'écrit pas comme ça, 1 ici et puis 0, non. 10 s'écrit d'abord 0 et ensuite 1 à l'intérieur. 0 ne veut rien, 0 ne veut pas dire rien, mais 0 veut dire le tout. Donc, vous mettez le 1 à l'intérieur pour dire que le tout s'accomplit toujours à partir de 1. Mais c'est à partir de votre individualité que le tout peut s'exprimer en vous. Mais le tout que vous appelez Dieu est manifestement présent car vous êtes un microcosme dans le macrocosme. C'est un langage scientifique, mais très explorable et explicable. Vous êtes le microcosme dans le macrocosme. Mais puisque vous êtes ce microcosme dans le macrocosme, c'est-à-dire que cet atome qui est constitué de près de 117 éléments, il y a 2 ans, on a découvert le 117e. Et moi, quand j'ai appris ça en 1985 au lycée, il y avait seulement 92 éléments. Donc, l'atome divisible par lui-même, aussi petit élément, constitué maintenant de 117 éléments. Voyez-vous? Ça, c'est une vérité. Mais cet atome, c'est à l'intérieur de cet atome qu'on découvre les 117 éléments. Parmi les 117, il y a l'hélium, il y a le coltan, il y a l'or, il y a le diamant, il y a... Bref, tout ce que vous connaissez, le fer, le plomb, tout ceci vient de l'atome. Donc, vous également, en tant qu'entité divinisée, expressive, c'est-à-dire en tant qu'expression du Dieu suprême, vous avez en vous tous les potentiels. Les potentiels de transformer, de bouger des montagnes. Les potentiels lorsque votre Jésus dit que, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi, vous direz montagne, montagne bouge, les montagnes vont bouger. Mais c'est la force caractérielle, sanctionnée par une prise de conscience individuelle, par une pure préparation, par la purification et le perfectionnement, c'est-à-dire dans une discipline bien orientée, vous êtes capable. Jusqu'à ce jour, il y a des initiés qui marchent sur le feu, qui s'assoient sur le feu, qui marchent sur les eaux, qui font bouger. On n'a pas besoin de ce miracle pour prouver de sa divinité expressive, mais au moins, au moins dans la vie de tous les jours. Personnellement, je ne souffre point, il ne me manque de rien. Si je voulais devenir milliardaire, je le deviendrais. Mais je vis dans le juste milieu. La plupart des vrais initiés qui vivent honnêtement, il ne leur manque de rien. Ils ne vont pas vivre dans une cabane, dans une vieille maison qui est tic-tic prête à tomber, et puis on dira non parce qu'ils donnent le bonheur aux gens. Et ça, c'est très fréquent en Afrique. Vous partez voir un charlatan, c'est comme ça. Oh non, il a donné, il se sacrifie à Dieu. Qui vous a dit cela? Dieu vous a créé à son image. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, c'est une vérité scientifique. La volonté de Dieu, elle est faite sur terre comme dans les cieux. Comment? Technique pratique, avant que je ne vous quitte. Oh, merci. Je me suis réveillé ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci, Tata Nzambé. Merci, l'être suprême. Merci, énergie fondamentale. Toi qui es au contrôle de tout, qui contrôle tout. Oh là là. Ben, je ne savais pas que j'allais avoir mes yeux ouverts, parce que grâce à toi, tu m'as permis la possibilité de voir le jour. Grâce à toi, je suis debout, je te remercie beaucoup. Et en vertu de quoi je te remercie? Parce que, esprit, je le suis à cause de toi. Créé à ton image, je suis ta ressemblance. Bon, voilà, là je suis esprit, je te parle en tant qu'esprit pour te remercier en tant qu'esprit et dans le monde spirituel. Merci beaucoup. Continue donc à répandre ta lumière, la lumière de l'omniscience, de l'omniprésence, de l'omnipotence, de tous tes pouvoirs, en vue de pouvoir manifester l'amour, la justice, la puissance, la paix dans et sur toute la planète Terre. Et fais de moi celui-là qui doit être ce canal d'expression. Merci beaucoup. Ça, c'est ma prière à moi qui n'est pas écrite dans un livre. Je vous donne un exemple. Donc, remerciez-le. Mais maintenant, après l'avoir remercié, je dis... Mais papa, pour que j'exprime mon existentialité sur cette planète Terre, il a fallu qu'un phénomène se produise. Et ce phénomène s'appelle le phénomène d'incarnation. Donc, Tu as permis à ce que je m'incarne au sein de cette famille. Bon, la femme s'appelle Nsabungunding et l'homme s'appelle Apututu. Ben, grâce à eux, je me suis incarné. Donc, par conséquent, papa, je te laisse de côté, puisque selon ma lignée ancestrale, même le Jésus des chrétiens, on dit bien que, ben, selon l'histoire ancestrale de Jésus, et voici mon histoire ancestrale, Tata Nzambe, je te laisse d'abord. Maintenant, je suis ici sur Terre, de par cette expression, puisque je suis esprit, mais j'évolue sur cette planète Terre à cause de Nsabungunding, Marie-Claire, Apututu Jean-Bernard. Maintenant, Apututu Jean-Bernard a une mère. Cette mère s'appelle Bango, et ce père s'appelle Nyandipolo, et son grand-père s'appelait Igambochina, et sa grand-mère s'appelait Igongo. Maintenant, toutes ces entités, tous ces esprits de l'au-delà, ils sont vivants. De par leur existence. Je tiens ici donc à vous rendre un hommage. Maman Sabungding, toi tu m'avais dit que avant de partir que tu seras toujours avec moi. Je te remercie, hein, parce que grâce à toi là, j'avais un petit mal de dos, mais tu m'as aidé. Tu m'as révélé que tiens, mon fils, va voir la plante que je t'avais montrée il y a de cela 30 ans. Merci de ta présence. Toi, Apututu, mon père, tu es de l'autre côté, mais toi tu me donnes toujours le reflet. À chaque fois que je fais un live, tu me donnes des révélations. Merci d'être toujours présent. Voilà comment vous, en tant qu'être divin, en tant qu'esprit, vous devez exprimer votre existentialité tous les jours, matin, midi et soir. Je remercie donc toutes ces entités de l'au-delà. Je remercie Tetan Zambé, Tetan Mwanga, Dibanga Wanga, grand créateur des cieux et de la terre, celui-là qui est adoré sous plusieurs noms, sous plusieurs formes. Il a été manipulé, malencontreusement dans les religions et ces religions ont sali finalement la réputation de Teta Mwanga. Mais seule une connexion personnelle et individuelle d'avec lui, car il nous a créé à son image, selon sa ressemblance. Et de ce fait, conséquence, je suis donc une manifestation de Teta Mwanga. Je suis une manifestation de Tata Nzambe. Teta Nzambe, l'être qui vibre sur toutes les dimensions, toutes les cellules de mon corps ne sont qu'une expression de lui. Alors, merci beaucoup. Voilà le rayon du soleil qui frappe. Bientôt, il va être 11h. Je vais profiter d'aller me prendre un bain de rayon solaire, car mes ancêtres le faisaient. Ce n'est pas seulement en Égypte. Ici, en Afrique, on l'a toujours fait. Ça date de plusieurs millions d'années. Donc, merci beaucoup, Teta Nzambe. Sois béni. Béni sois-tu. Béni mon peuple au Gabon. Béni les hommes politiques. Béni les religieux qui continuent à s'embrouiller dans leur religion. Mais rentre dans leur cœur pour rappeler les mêmes paroles qui sont dans leur propre livre saint qui disent que Dieu n'habite pas dans les temples qui sont faits des mains d'hommes, mais habite dans le véritable temple qui est en nous. Donc, je te demande d'éveiller les consciences des Gabonais, des Africains, que leur connexion d'avec toi, ce n'est pas sous couvert d'une religion, mais c'est sous couvert simplement de la partie de toi qui est en eux. De la partie de toi qui est en nous. Parce que nous existons, nous exprimons, c'est grâce à toi. Le souffle de vie représente le canal par lequel tu entretiens cette divinité en nous. Parce que dès lors qu'on se réveille le matin, on est mort, déclaré mort. Mais parce que tu as coupé. Et quand tu coupes, l'âme se désintègre de ce corps. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci beaucoup, soyez tous salués et je vais vous quitter. Bon, je n'ai invité personne, mais je constate que vous êtes près de 60 personnes branchées. Merci beaucoup. Oh là là, c'est merveilleux. Peut-être que si j'aurais averti, eh bien, on devait avoir des milliers de personnes. Peut-être, je ne sais pas. Bien. Oh là là, bon, j'apprécie vos commentaires. Cette malédiction circule de génération en génération. Papa, comment s'initier? J'ai déjà donné la réponse. S'initier, il y a l'initiation douce, connaissance de soi, et ensuite il y a l'initiation. La connaissance de soi veut dire que vous participez à mes forums, je réponds aux questions de tout genre. C'est vrai que parfois je suis un peu trop dur, mais pardonnez-moi. De boulot, c'est pas facile. Et ensuite, les problèmes de santé et autres, je dois vraiment manager tout cela. Un seul Moreo Mouvier qui est là, votre guide inconnu. Voilà pourquoi j'ai arrêté les histoires de Facebook. Je viens chaque fois parler ici. Également, il faut vous développer. Lisez beaucoup les livres de Cheikh Anta Diop, je vous encourage, ou bien de Théophile Obenga. Ça sont des hommes que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup lu leur biographie. C'est vrai que je ne suis peut-être pas d'accord totalement avec tout ce qu'ils disent, mais ce sont des références. Également, vous pouvez lire les classiques gréco-romains, et dont je suis en possession de certains. Si vous voulez des noms, je vous les donnerai. Ça peut vous aider. C'est-à-dire, le fonctionnement des religions à partir du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, lors de la convention de l'an 325 de notre ère. Ça va vous donner un aperçu sur la religiosité, sur l'étude religion, étude comparée. Également, je vous conseille, tout ceci, ça fait partie de la connaissance de soi et de la connaissance générale. Maintenant, pour l'éveil de votre conscience, vous pouvez faire ce qu'on appelle la pratique par le développement de soi. Et cette pratique de développement de soi, il existe ce qu'on appelle la parapsychologie pratique. Je donne des cours, j'ai prévu des enseignements. Une fois de plus, l'école n'y rêvait pas. Je ne veux pas faire une école en ligne, ça je suis contre. Mais je suis en train de travailler dessus, les livres sont en train d'être faits, ce sera fait. C'est-à-dire, l'école du développement de soi à travers la parapsychologie pratique ou l'étude du paranormal, qu'est-ce que c'est la concentration? C'est des phénomènes où vous devez apprendre à vous concentrer, car par la concentration, vous apprenez à discipliner votre esprit et les différents corps subtils et psychiques qui sont à vous. Je réponds à la question, comment s'initier? Bon, sur cette première partie de l'initiation douce également, il faut comprendre ce que c'est la visualisation, qu'est-ce que c'est la méditation, qu'est-ce que c'est la bilocation, qu'est-ce que c'est ainsi de suite. Donc, ensuite, il vous faut également une initiation dans l'astrologie pratique. L'astrologie pratique, c'est les mouvements des astres, le mouvement des planètes et l'impact dans votre vie, le mouvement de vos humeurs. Pourquoi parfois il y a des jours vous vous réveillez, vous êtes énervé? Pourquoi il y a des jours vous pensez trop au sexe? Pourquoi il y a des jours il n'y a pas de pensée sans pensée? Il n'y a pas de pensée sans visite. Alors, comment distinguer les visites des grands maîtres invisibles? Comment distinguer ou écouter et être à l'écoute des signes des grands maîtres? C'est autant d'enseignements que je mets à la disposition du public et tout est là, mais sauf que, parce que chaque jour j'enregistre de nouveaux, mais je vous dis qu'il y a des milliers d'audios, des milliers de discours, des milliers de vidéos qui sont disponibles, en dehors de cette chaîne YouTube naturellement, là où vous me regardez. Alors, deuxième maintenant, la deuxième initiation, c'est l'initiation forte. Cette initiation forte est tout simplement une invitation dans nos rites traditionnels. Et ces rites traditionnels est une connexion, est une reconnaissance d'abord du retour à l'enfant prodigue. Et cet enfant prodigue, c'est vous qui avez tourné le dos à nos ancêtres, qui avez tourné le dos à nos ancêtres au profit de l'occidentalisation et de la dictature et de l'intellectualisation orientale et voire même occidentale. Donc ceci vous a calboigné votre conscience divine. Par conséquent, il faut rentrer donc dans l'initiation, ce que j'appelle l'initiation forte. Initiation forte, c'est moi qui utilise le propos forte. Pourquoi? Ben parce que ça va vous bousculer. Parce que quand vous allez manger le bois sacré, votre sortie va tellement brutale que vous n'avez pas besoin d'attendre un an. Alors que l'initiation douce, ça prend des années. Moi, ça m'a pris près de 35 ans. Aujourd'hui, je suis à la 47e année. Donc, j'ai fait une combinaison des deux. Et de par ma propre expérience, donc, je vous encourage également de faire cette initiation forte, car elle va... C'est un moyen de rattrapage pour moi. Ce moyen de rattrapage veut dire qu'à travers le bois sacré, vous allez immédiatement et automatiquement comprendre certains phénomènes et des mécanismes fonctionnels dans le monde des arcanes secrètes. Peut-être que votre grand-père, votre arrière-grand-père ou votre mère ou votre père, quand il est parti, il voulait vous dire quelque chose, mais tous les jours, vous le rêvez, il est toujours en train de vous regarder avec un œil bizarre, un œil de pitié. Ben, c'est en s'initiant dans l'initiation forte, soit de Bouété, soit de Djembi, soit de Mkwelengi, soit de Njobi, eh bien, quelle que soit la forme, c'est une école qui vous met l'éveil de votre ami, de votre divinité. Pour vous faire comprendre déjà que la religion n'a plus de place pour vous parce que à travers la consommation du bois sacré ou des plantes amères et d'autres, ou du chanvre, chez mes frères de la Macumba, où je suis initié également, là, vous allez comprendre qu'en réalité, la religion n'a pas de place pour vous. D'accord? Ça, c'est deux formes. Comment s'initier? Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, troisième aspect, il vous faut un outil. Et cet outil, je l'ai mis en place, ça s'appelle le prêt. Le prêt, c'est quoi? C'est la pensée, respiration, énergie ou esprit par le toucher. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez, par exemple, la technique sur la visualisation, je vais vous aider pour mieux comprendre cette technique-là, d'utiliser le prêt. Le prêt, si vous voulez, c'est la clé des murs. Tout comme il existe la clé des 151 psaumes de David. Donc cette clé que désormais vous allez utiliser, que ce soit dans la pratique de l'initiation douce, que ce soit dans la pratique de l'initiation forte, ou dans la pratique de l'initiation ritualique, c'est-à-dire la pratique de nos ancêtres. Cette pratique, effectivement, vous avez besoin du prêt. Car, surtout pour le cas des ancêtres, moi j'utilise ça, je l'encourage parce que c'est ma propre invention depuis que j'ai utilisé la technique de contact avec les ancêtres sans aliments ou bien sans accessoires. Mais j'ai utilisé le prêt. Donc, le prêt, c'est quoi? C'est par la pensée que vous canalisez tout sous couvert de mouvements respiratoires, car il y en a trois formes de respiration. Mais il s'agit de la respiration mystico-spirituelle. Pour mettre en jeu tout cela, afin de vivre la réalité, vous avez besoin de l'énergie ou de l'esprit. Là, on entraîne la lettre E. Maintenant, le T veut dire toucher. Le toucher veut dire la matérialité. Voilà donc, le prêt, c'est cet engin que moi, j'ai mis en place. J'ai déjà écrit, tout est prêt. Ça va être compilé. Bref, voilà autant de moyens. Il y en a bien d'autres. Également, enfin pour conclure, il y a les séminaires qui sont prévus. Bon, là, le corona est venu tout gaspiller. Est-ce que les séminaires auront toujours lieu? Nous en parlerons. Nous avons des meetings, je vous l'ai dit, des réunions. Je me retrouve avec la France, je crois, d'ici le week-end. Je vais l'appeler tout de suite là. Je ne les ai même pas avertis. Bon, ils sont en train de me suivre. On va voir ce qu'on peut faire au niveau de la France, au niveau des États-Unis, ici au Texas, bon, il y avait quelque chose que j'ai prévu. Est-ce que ça va avoir lieu? Je ne sais pas. En Afrique, là-bas, la balle est dans votre camp. Voilà, ça, c'est la troisième méthode de l'initiation, c'est-à-dire face à face avec moi. Je vais vous donner certains secrets. Je vais vous dire certaines choses. Je vais vous montrer certaines choses que je n'ai jamais montrées au public. Cela est vrai. J'ai des milliers et des milliers sur près de 27 initiations que j'ai reçues dans 27 milieux différents, que ce soit dans des loges, que ce soit dans des sociétés secrètes, que ce soit dans la magie noire, sorcellerie indienne, pakistanaise, népalienne, gabonaise, congolaise. Tout ceci, j'ai fait ce qu'on appelle un composite. Et c'est de ce composite, donc, il y a des milliers de rites qui sont disponibles. Mais ceux-ci ne peuvent être point diffusés n'importe comment. C'est vrai qu'il y a certains qu'on a pu diffuser avec l'accord de certains prêtres de des confréries africaines, mais ils se sont fâchés, ils ont dit plus jamais, monsieur Onouvier, plus jamais. Donc, voilà pourquoi je conserve ce genre de secret uniquement au cours des séminaires. Je crois que c'était la question vraiment très importante qui a été soulevée. Maintenant, que veut dire la lecture, l'écriture, merci, merci. En effet, on est sorti de l'auberge, surtout nos frères et soeurs, merci, la perdition totalement, merci. Les liens existent, Monsieur Idriss Diako, le lien existe. Veillez à la fin de cette vidéo, Monsieur Diako. Tapez sur la vidéo, vous verrez qu'il y a un lien qui est à la droite de la vidéo même, où c'est écrit Telegram, WhatsApp. Ne rentrez plus dans les WhatsApp, sauf WhatsApp Maroc. WhatsApp Maroc, en ce moment, il est nouveau. Ça s'occupe beaucoup plus des gens du Maghreb, des étudiants à travers le monde et d'autres frères gabonais, parce que les deux WhatsApp qu'on a initialement, Oka Afrique et Baobab Afrique, tout est plein. On a plus de 600. Donc là, les deux, ça va, c'est presque à 1000. Et nous avons un autre, c'est le Telegram. Veuillez rentrer dans le Telegram, parce que dans le Telegram là-bas, la mauvaise nouvelle, c'est que vous ne venez pas sans respecter les principes. On est très strict, car quand vous rentrez, donnez votre véritable nom, amenez votre photo, c'est le robot qui vous filtre, c'est le robot qui vous enregistre. Maintenant, si vous êtes excité par rapport à quelque chose qui va intéresser le groupe, parce que vous êtes tout nouveau, mais je vous informe que ces forums existent il y a bientôt 2 ans. Il y a tellement de choses qu'on a diffusées qui existent. Et évitez de répéter les mêmes messages. Demandez l'autorisation auprès des administrateurs. Il y a mon fils, Bernardo, qui est là, qui m'assiste beaucoup. Il y a bien d'autres. Il y a mon fils également, qui parfois répond quand vous m'adressez des questions au jour de mon silence, c'est-à-dire dimanche, lundi et mardi. Évitez de m'appeler ni de me dire quoi que ce soit. Si vous avez une question pressante, laissez. Faites l'audio et je vous répondrai à partir de soit jeudi. Nous sommes quel jour? Jeudi aujourd'hui. Donc, je peux vous répondre soit aujourd'hui ou demain vendredi. D'accord? Maintenant, c'est ça la réponse. Rentrez dans le Telegram, pas dans les WhatsApp. Tous les WhatsApp sont occupés sauf WhatsApp Maroc. Bien, ça c'est la question que je réponds. Maître, expliquez-nous clairement le phénomène de la prochaine fin du monde. La prochaine fin du monde dont prônent les chrétiens, je ne sais pas, les chrétiens, ils n'ont pas tort, les musulmans en parlent, mais scientifiquement, oui, il est prévu une fin de monde. Mais il ne s'agit pas de la fin du monde généralement, mais c'est la fin de ce monde, c'est-à-dire la fin de ce système. Mais cette fin de ce système est précédée par beaucoup des signes, et ce sont ces signes que nous voyons. Il y a effectivement une fin qui est prévue, parce que à la fin du cycle, tous les 3000 ans, voire tous les 3000 ans ou tous les 5000 ans, il y a toujours une fin de cycle. Ça, c'est une loi naturelle. C'est la Terre qui veut se débarrasser des tics, des mauvaises habitudes. La planète Terre est trop empoisonnée. Il y a des choses qu'on fait. Les gens qui exploitent l'or, le pétrole et tout, qui mettent des poisons, qui font souffrir des populations. Et ces cris-là vont vers l'au-delà et les maîtres invisibles se voient obligés de pouvoir ici créer des hécatombes. Donc, à chaque temps et à chaque cycle, il y a toujours une fin. Oui, la fin du monde, mais pas comme les chrétiens l'expliquent. Certes, ils parlent un peu quelques détails, mais malheureusement, tout est pris à la lettre selon leurs explications. Maître, expliquez-nous. Oui, ça, j'ai répondu. L'Iboga, le Gabon est-il le seul endroit idéal pour le consommer? Oui, l'Iboga n'est pas le seul endroit pour le consommer. Vous pouvez consommer l'Iboga. Si vous voulez me dire, par contre, est-ce que l'Iboga du Gabon est le seul qui est utilisé dans la pratique du bouété, je vous dirais oui, c'est l'iboga pur et d'essence à 100%. Par contre, au Cameroun, il y a l'iboga. Au Congo, il y a l'iboga. Et là, ici, au Costa Rica, non loin des États-Unis, il y a quelqu'un qui plante l'iboga avec les règles des femmes. Ça, c'est un peu partout. Mais l'original, c'est celui qui est au Gabon. Quand un sort nous a été lancé, pouvons-nous communiquer avec les anges, les ancêtres qui nous accompagnent? Laissez les anges de côté, parlez plutôt des anges. Pourquoi ces derniers n'empêchent pas ça? Pourquoi les ancêtres n'empêchent pas quand un mauvais sort nous est lancé? Mais d'abord, pourquoi ils vont s'intéresser à vous si vous n'êtes pas intéressé à eux? Je vous ai dit que les ancêtres, là, si vous n'avez pas fait le rite de réconciliation avec eux, surtout vous les enfants d'aujourd'hui, hein, vous êtes nés, hier, dans les années 60 ou dans les années 70, comme nous autres, ou bien vous êtes nés là dans les années 80, comme mes enfants. Maintenant, on vous parle des choses du village, vous négligez. Mais c'est maintenant, après, quand vous avez des sorts, comme j'ai parlé du cas de la malédiction ancestrale, oui, le cas de M. Mbumba qui a bombardé quelque chose à sa famille, mais ça existe, c'est des trucs courants, c'est pas seulement au Gabon, ça existe partout, même en France, même ici aux États-Unis. Il y a des familles qui sont maudites. Moi, j'ai fait une consultation à un jeune Américain blanc qui me dit, c'est pas possible, sa mère était dans la drogue, sa grand-mère dans la cocaïne, lui-même, mais il veut pas, il sait pas ce qu'il faut faire. Mais je lui ai fait la consultation, je lui ai dit, mais ça date, il y a de cela près de 19 générations. Je l'ai amené jusqu'à l'an 1797. Il dit, oh, comment tu sais ça? Je lui ai donné des noms, il était surpris, je lui ai décrit certaines personnes, mais malheureusement, on ne nous demande pas de coopérer. On dit qu'il ne faut pas fraterniser avec ces mecs-là, mais il a promis amener, il a demandé à son épouse d'amener la photo de son arrière-grand-père. Et j'étais surpris, il y a 2 semaines, il me montre. Il dit, mais voilà la personne que vous avez décrite. Et c'était exactement la description que j'ai eue. Mais par comment je fais cela? C'est vrai par mes pouvoirs psychiques, mais également par l'aide de mes ancêtres. Donc, il faut d'abord vous réconcilier avec vos ancêtres quand vous posez une question pareille. Maintenant, vous avez eu des sorts, vous avez eu des problèmes, vous avez un sort qui vous a été lancé. Mais les ancêtres ne peuvent pas intervenir si au départ vous n'avez pas tissé une relation réelle avec eux, même dans le plan matériel réel. Aujourd'hui, si mes enfants, je les néglige, ou bien mes enfants me négligent, et que demain après demain, je deviens quelqu'un, oh non, j'ai mon papa qui est président, vous croyez que moi j'aurai l'amour pour lui demain? D'abord vous là, vous n'avez pas voulu me respecter, vous venez d'où? Vous sortez d'où? C'est vrai, je vais agir là, bon, c'est pas grave, c'est les enfants, il faut les pardonner. Mais le monde des esprits est différent du monde matériel réel. Les entités que vous voyez là, nos ancêtres qui nous ont précédés dans le monde de l'au-delà, eux aussi, ils se préparent à des futures incarnations dans d'autres planètes. Il y a parmi eux des gens qui étaient des grands maîtres, des initiés. Souvenez-vous du rite que je vous ai montré, comment convoquer les ancêtres les plus puissants de votre famille. Mais ces ancêtres les plus puissants, vous les convoquez, mais des fois, eux, ils se préparent à une autre incarnation aventurière dans d'autres planètes plus évoluées. Voyez-vous? Ou se préparent à leur immortalité. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé à eux et vous avez eu des sorts, donc en un mot, pour répondre à votre question, laissez les anges ça c'est les mots de Balan, les génies si vous voulez, que ce soit les génies, que ce soit les ancêtres, ils ne s'intéressent à vous que lorsque vous intéressez à eux. Cela doit être clair. Ils s'intéressent à vous, c'est lorsque vous intéressez à eux. Merci beaucoup. Comment faire l'audit de la réconciliation avec ses ancêtres? Bon, vous êtes encore nouveau, mais suivez, il y a des vidéos ici. On vous montre comment, justement, j'ai près de 4 ou 5 vidéos où comment nos ancêtres communiquent avec Dieu. Comment on appelle ça? Comment rentrer en contact avec nos ancêtres? Les rites de communion avec les ancêtres. J'ai même des vidéos où j'étais en France où je montrais des techniques comment communier avec eux derrière votre maison. Et il y a un autre rite encore que j'ai dit pour ceux qui vivent en Europe, comment ceux-ci peuvent invoquer, faire le rite des ancêtres sans avoir nécessairement accès aux accessoires qu'on trouve chez nous en Afrique. Donc, monsieur, vous êtes tout nouveau, mais je vous dis, toutes vos questions-là, les réponses sont ici. Il y a des vidéos déjà disponibles. Je les ai déjà préparées depuis près de 5 ans que la chaîne existe. Il y en a. Maître, peut-on pratiquer le pranayama à n'importe quel moment quand on est en forme? Le pranayama yoga que je pratique depuis 1978, c'est un style de vie. C'est une habitude. Ça fait partie de ma vie. On n'a pas besoin d'attendre que toi tu sois en forme ou bien que tu sois en méforme. Maintenant, si vous êtes fatigué, ben moi j'utilise certaines techniques qui s'appellent la technique de recharge de mes chakras. Recharge, ça ne veut pas dire que les chakras sont vides. Non, simplement... Ben, quelque part, je vais avoir une bonne vision, je vais charger donc le chakra cardiaque. Donc, oui, pour dire peut-être, vous pouvez être en forme, mais ce n'est pas nécessaire. Pranayama yoga, c'est une pratique qui doit devenir un style de vie pour vous, pour le reste de votre vie. Voilà, j'en ai terminé, je fais le tour de toutes les questions. Que Teta Mwanga vous bénisse. Je vous remercie beaucoup et merci du temps que vous m'avez accordé. Et pourtant, je n'ai averti personne. Cela, l'honneur et la gloire reviennent à Teta Mwanga, Teta Nzambe, le grand créateur, et le Dieu qui est toujours là autour de nous et qui veille à l'harmonisation et surtout à l'équilibre des principes et que la connaissance soit diffusée avant la fin des temps. Et cette fin des temps, ce n'est pas selon le langage des chrétiens, mais avant que justement la connaissance disparaisse. Je vous en prie, merci beaucoup pour tous ceux qui ont posé des questions et une fois de plus, merci d'avoir participé à mon live. Je ne m'y attendais même pas, car pour moi, je me disais que j'allais prêcher en l'air, mais j'étais surpris qu'il y ait eu plus de 60 personnes ici. Veuillez partager la vidéo et faites abonner les personnes, s'il vous plaît. Si vous êtes nouveau, Franck, vous êtes nouveau. Les autres qui m'ont posé des questions, c'est des nouveaux. Abonnez-vous, ne vous contentez pas seulement de venir suivre. Vous pouvez, c'est vrai qu'il y a des enseignements peut-être qui ne vont pas vous plaire, qui sont peut-être trop durs. Par exemple, comment invoquer le diable. Je ne vous ai pas demandé d'aller invoquer le diable. Ou bien, comment convoquer les mamies Ouattara. Je ne vous ai pas demandé de le faire. Ou bien, les portefeuilles magiques. Je ne vous demande pas de le faire. Mais la majorité des enseignements ici, c'est beaucoup plus des conseils. Il y a des rituels qui sont disponibles, des rituels de protection, des rituels d'attirer de l'argent, des rituels de charmer les femmes, des rituels. Il y en a plein ici. Mais c'est moi parce que vous êtes paresseux. C'est ça. Bon, là, le titre de ma première chanson, c'est Vous allez chercher sur YouTube, ça s'appelle Bwiti Dizumba. C'est tout, Bwiti Dizumba. Et maintenant, la chanson qui va jouer là, ça s'appelle Ngombi. Mitsoro, Ngombi Mitsoro. C'est celle-là que je vais faire passer tout de suite. Allez-y sur Calling YouTube et faites un peu de 63% recherche. Ou bien Samsung Galaxy S7 Edge vous me connected. contactez en privé, je vous donnerai beaucoup de titres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pardonnez-moi, et que Tétan Zambé vous bénisse. Et je n'ai pas eu de droit d'auteur de cette belle chanson, Mélodie qui passe, car elle est, cette mélodie a été enregistrée. Pardonnez-moi, elle a été enregistrée donc par The African Traditional Music Mitsoko Bouété, donc par notre ami RXX, qu'il me pardonne, je n'ai pas les droits d'auteur. Mais voilà l'une des vidéos que vous pouvez tranquillement surfer sur YouTube. Merci. Soyez bénis. Que Tétan Manga vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci. Oh. Vous êtes en train d'imiter mes gestes. OK, mais c'est des gestes symboliques où je dis des mots. Mais quand on se verra face à face, je vous dirai les mots que je prononce lorsque je fais mes gestes. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et ça, c'est un geste de bénédiction, simplement, et de protection à chaque fois que vous le faites, si vous voulez tout savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci. Merci. Merci.